L'homme est impitoyable, hélas, sans savoir où. Comment ne voit-il pas qu'il vit dans un problème, que l'homme est solidaire avec ses monstres mêmes, et qu'il ne peut tuer autre chose qu'Abel? Lorsqu'une tête tombe, on sent trembler le ciel. Décapiter Néron, cette hyène insensée. La vie universelle est dans Néron blessé. Faites monter Tibère à l'échafaud demain. Tibère saignera le sang du genre humain. Nous sommes tous mêlés à ce que fait la grève. Quand un homme, en public, nous voyant comme un rêve, meurt, implorant en vain nos lâches abandons, ce meurtre est notre meurtre, et nous en répondons. C'est avec un morceau de notre insouciance, c'est avec un haillon de notre conscience, avec notre âme à tous, que l'exécuteur, là, essuie en s'en allant son hideux coutelas.